Bonjour, bonsoir et bienvenue à Sur la transversale après match avec moi-même, Kevin Laramé. Bienvenue à tous les auditeurs. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux @surtransversale ou notre page Facebook, facebook.com/ sur la transversale. Quelle victoire de l'Impact de Montréal ce soir, 3-0 contre le Crew de Columbus au Stade Saputo. Une victoire utile, nécessaire, même obligatoire si l'Impact se désire de garder espoir pour faire les séries éliminatoires en 2018. Tout dépend des trois prochains matchs du DC United. L'Impact est maintenant en pause jusqu'au 21 octobre pour disputer son prochain match au Stade Saputo contre le Toronto FC qui a été officiellement éliminé des séries éliminatoires ce soir avec une défaite de 2-1 contre le Whitecaps de Vancouver à Toronto au BMO Field. Bye bye Toronto. Toronto s'en va jouer au quille, à pétanque, au golf. Bof, golf commence à faire un peu froid, mais en tout cas, le soccer pour les séries éliminatoires 2018 n'aura pas lieu pour les Reds de Toronto. L'Impact a encore une chance mathématique et encore certains espoirs de faire les séries. Nous regarderons le classement dans l'Association de l'Est dans quelques instants en se rappelant que DC United joue leur prochain match contre Chicago demain et durant la pause de la pause internationale, ils joueront leurs trois matchs qu'ils ont en main contre l'Impact de Montréal. On va avoir plus de clarté sur la position officielle de l'Impact envers le DC United dans les quelques prochaines semaines. Mais revenons au match de ce soir. Grande performance du Nacho. Le Nacho Man lui-même, Nacho Piatti, qui a marqué un beau but, créé beaucoup d'espace. Et sa participation au match de ce soir était incertaine. Et lorsque Rémi Garde a parlé après le match, il a mentionné que ce n'était pas juste pour distraire l'adversaire. Il n'a pas pratiqué de la semaine et sa présence était vraiment incertaine. Il a attendu après les séances d'échauffement avant le match. Le parle à Nacho. Nacho, tu te sens comment? Nacho a mentionné, je suis prêt coach, je vais jouer, je suis correct. Et il a joué 75 belles minutes ce soir. Nacho Piatti était remplacé par Mathieu Chouanière à la 75e minute. Mais Ignacio Piatti a créé de l'espace, a créé du mouvement, des beaux jeux. Est-ce que c'était le Nacho des beaux jours? Peut-être pas à 100%, évidemment. Nacho qui n'est pas en santé à 100%, encore traîne quelques bobos dans les jambes, comme on pourrait dire. Et entre autres, plusieurs petits blessures, je pourrais dire. On dirait plusieurs petits maux qu'il suit Nacho récemment. Mais il était là ce soir, il l'a prouvé et l'Impact est parti en pause avec 3 points. La bougie d'allumage, par exemple, ce soir, pour une autre fois, durant les récentes performances éclatantes de l'Impact, lorsqu'on regarde le match de 3-0 contre Red Bulls et ce 3-0 contre le Columbus Crew, c'est Ali Silva. Ali Silva qui a marqué un beau but, le deuxième but de l'Impact, qui a créé l'opportunité pour le premier avec un tir qui venait du flanc droit. L'Impact qui avait la possession du ballon, Ali Silva est aux oreilles de la boîte, tire vers le défenseur Josh Williams qui clairement bouge le bras gauche pour bloquer le ballon. Le jeu s'en suivit, l'arbitre Alan Kelly n'a pas appelé de pénalité et quelques secondes plus tard, l'arbitre siffle, met son doigt à son oreille, reçoit le signal de la reprise vidéo, fait le mouvement de la boîte, se dirige vers le moniteur qui est placé sous l'estrade sud et Alan Kelly appelle le penalty pour l'Impact de Montréal. On s'attendait à voir Silva ou peut-être Nacho Piatti, mais non, c'est Saphir Taider qui prend le penalty. Petite anecdote pour cette penalty pris par Saphir Taider. Nacho et Saphir avaient parlé il y a quelques jours que oui, s'il y a penalty qui s'en vient bientôt, Taider a mentionné à Piatti qu'il aimerait le prendre. Silva n'était pas au courant. Silva voulait le prendre. Nacho a été voir Silva. Il a dit, non, c'est beau, mon ami. C'est beau. Je lui ai dit qu'il pouvait le prendre. Donc, c'est correct. C'est correct. Taider va le prendre. Taider avec un beau penalty. Taider qui feint l'envoyer à la droite avec son mouvement corporel, avec son alignement de ses hanches, a induit en erreur le gardien de Columbus, Zach Steffen, qui a plongé vers sa gauche. Penalty en plein centre. Et c'est 1-0 Montréal. Ensuite, quelques minutes plus tard, 20-quelques minutes plus tard, avant la fin de la première mi-temps, Ali Silva se retrouve, fait une belle course, déjoue quelques joueurs, fait un beau tir et déjoue Zach Steffen. Et c'est 2-0 Montréal. Un petit peu plus tard, en deuxième demi, Nacho Piatti se retrouve avec le ballon et termine un beau jeu à la gauche de Steffen et est capable de marquer le troisième but de l'Impact. L'Impact qui a bien mérité ce soir cette victoire. Quelques points positifs que j'ai remarqués durant ce match. Le retour de Piet à son habitude d'interception. Oui, la relance n'a pas été aussi propre, je dirais, que ses meilleures performances cette année. Mais quelle interception, jeu de transition de Samuel Piet et évidemment appuyé par Michael Azira dans ce rôle. Samuel Piet qui continue à mettre des performances solides tout au long de la saison. Je dirais même depuis son arrivée avec l'Impact de Montréal, Samuel Piet continue à être un choix de premier ordre pour Rémi Garde dans le 11 partant. Performance ce soir digne sûrement d'une nomination peut-être au joueur de la semaine pour Evan Bush. 9 arrêts officiels ce soir dans les buts. Plusieurs arrêts à bout portant, plus dont celle contre Awful, donc celle contre Jesse Zardes sur un centre. Zardes est tout seul à quelques mètres devant Evan Bush. Fait une belle tête, Bush à bout portant bloque le ballon. Quelle performance pour le gardien de l'Impact de Montréal ce soir qui a dépassé les 120 arrêts cette année, en 2018, dans la MLS. Le 19e gardien de l'histoire de la MLS qu'il dépasse les 120 arrêts durant une saison. Un des meilleurs gardiens, surtout un des joueurs les plus améliorés pour l'Impact de Montréal en cette saison. Le travail qu'il a accompli durant l'entre-saison et cette saison avec Joël Batts est remarquable. L'attitude et surtout la confiance qu'il démontre entre ses poteaux est impressionnante. Et son niveau technique, son niveau de positionnement surtout, a pris des grands bonds devant en cette saison. Une autre performance à mentionner, même si c'était une performance que je dirais plus tranquille, une performance sans gâchis, sans flafla, sans drame, Juka Raitala, qui a commencé le match au milieu de la défense montréalaise aux côtés de Rod Fanny. Raitala qui va partir pour jouer pour la Finlande en Ligue des Nations de la UEFA. Donc, il y a un peu le même principe que la Ligue des Nations de la CONCACAF que Samuel Piet va disputer le 16 octobre à Toronto avec la Dominique, contre la Dominique pour l'équipe canadienne qui comptera Balou, évidemment. Balou qui a accepté l'appel et qui se dédie à la cause canadienne pour le soccer international. Merci Balou de nous avoir choisi. On l'attendait, on est content. On est content de te voir pour une première fois depuis quelques années déjà, lorsque tu étais joueur avec l'Impact de Montréal. Maintenant, tu porteras le joueur de l'équipe canadienne et nous sommes tous très contents. Pour revenir à la Ligue des Nations de la CONCACAF avec celle de la UEFA, c'est un peu similaire, mais des matchs sont plus importants présentement pour la Ligue des Nations de la UEFA. C'est pas une phase de qualification, c'est la vraie Ligue des Nations. Tandis qu'en CONCACAF, je vous épargnerai les détails, mais présentement, c'est la phase de qualification pour les groupes B, C, D. Et pour le groupe A, les quatre meilleurs des qualifications présentement seront du groupe A l'année prochaine lors de la première édition officielle de la Ligue des Nations de la CONCACAF. Mais belle prestation ce soir de Juka Raitala en défensive centrale pour l'Impact de Montréal. Sans gâchis, sans flafla, et pour un milieu défensif, pour un défenseur central, c'est gage de bonne performance lorsqu'on ne parle pas de vous, lorsqu'on n'entend pas parler de vous, lorsque vous faites votre travail, vous êtes là. Et c'est un peu rassurant comme performance pour un Raitala lorsqu'on a vu Camacho peiner durant les derniers matchs, surtout contre le DC United la semaine dernière durant ce massacre de 5-0 au Audi Field. Je parlais de Piatti. Piatti de retour dans les bonnes grâces de tout le monde impressionne et surtout inspire ses coéquipiers, non pas avec des grands discours d'avant-match, de mi-temps ou d'après-match, mais avec des performances solides, comme il l'a fait ce soir. Lorsqu'il se présente avec l'attitude qu'il avait ce soir sur le terrain, tout lui sourit, et tout a souri aussi pour l'Impact. L'Impact avait un certain réalisme dans son jeu ce soir. Ça a fonctionné, comme dirait Rémi Garde. Ils ont été plus chanceux. Comme on dit souvent, des fois, le ballon roule pour vous. Ce soir, le ballon roulait pour l'Impact de Montréal. Je parlais d'Alex Silva, qui est la bougie d'allumage, qui a été capable de partir le compteur ce soir avec ce pénalty gagné, qui a donné confiance à l'Impact et qui a favorisé la continuité des tactiques qu'ils utilisaient et surtout de baisser leur niveau de pression, baisser le niveau de réaction, de panique qu'ils auraient pu avoir si jamais le match continuait plus tard en première demi sans but marqué pour l'Impact. L'Impact aurait voulu pousser la note et s'ouvrir et peut-être s'exposer à un certain contre-attaque ou une certaine offense de la part défensive, de la part du Crew de Columbus. On a parlé d'Evan Bush et un commentaire que je trouve intéressant, j'ai demandé à Evan après le match. Et Evan, fait maintenant un an et demi que la reprise vidéo est dans la MLS. Est-ce que vous y pensez en jouant? Est-ce que c'est quelque chose qui vous influence ou qui peut-être s'incruste dans vos pensées lorsque vous jouez? Il a dit oui. Pour la majeure partie des choses, ça a bien été géré et pour d'autres, non. Ils ont apprécié comment ça s'est passé ce soir avec l'arrêt de Alan Kelly pour aller voir le moniteur et accorder le penalty. Il a mentionné que c'est une conversation qu'il faudrait avoir un autre temps. C'est pas nécessairement utile présentement. Mais oui, c'est une chose à laquelle il pense et c'est une chose à laquelle les joueurs pensent durant le cours de jeu. Et c'est quand même un peu dommage parce que penser en train de jouer peut vous donner une certaine hésitation. Mais l'humain sera humain. Nos pensées roulent à 100 000 à l'heure et le VAR a une étude de ses pensées. Regardons rapidement les quelques statistiques importantes ou plutôt intéressantes de ce match avant de se transporter aux commentaires d'après-match de l'entraîneur Rémi Garde. On a Samuel Piette et Saphir Tader aussi ce soir. Donc les tirs au but pour les deux équipes ce soir, 13 tirs au but pour l'Impact de Montréal, 14 pour le Crew de Columbus, 9 tirs cadrés pour l'Impact, même chose pour le Crew, 9 tirs cadrés, 2 tirs bloqués, 3 tirs bloqués pour Columbus et 2 tirs hors cadre du côté de Montréal, 3 pour Columbus. Une des statistiques importantes qui démontrait la vraie nature du match contre DC United était le nombre de duels gagnés qui était, ma foi, le double du côté de DC United. Ce soir, l'Impact n'a pas remporté cette bataille, mais a quand même gardé le contre très près. On parle de 40 duels gagnés pour l'Impact, 42 duels gagnés pour le Crew. On se rappellera que la semaine dernière, lors de cette défaite de 5-0, l'Impact avait eu une majeure partie de la possession du ballon. DC United qui s'est dit « Ouais, on vous donne le ballon, vous jouez avec, on vous donne la corde et allez vous pendre ». Et c'est ce qui est arrivé. Ce soir, l'Impact a su retourner à leurs bonnes vieilles habitudes de ne pas nécessairement posséder le ballon plus qu'il faut, mais d'utiliser leur contre-attaque lorsque nécessaire et d'être plus réaliste lors de ces contre-attaques, plus opportuniste lors de ces contre-attaques. Et nous avons vu cela ce soir avec 44,9% de la possession pour l'Impact contre 55,1% pour le Crew de Columbus. On rappellera les marqueurs ce soir. Tader sur un pénalty créé par Alex Silva avec la main du défenseur de Columbus, Josh Williams. Alex Silva qui a marqué le deuxième but, assisté d'une belle passe, une belle passe qui avait des yeux, mesdames, messieurs. Saphir Tader qui a effectué cette passe à Alex Silva. Ensuite, Ignacio Piatti qui a marqué son but à la 59e minute, assisté de Saphir Tader aussi. Donc, Saphir Tader, un but, deux passes. S'il vous plaît, quelqu'un peut vérifier l'état d'esprit de Sofiane Bendaza présentement. J'espère qu'il s'en remet. Son joueur préféré qui a connu une de ses meilleures soirées dans l'uniforme montréalaise ce soir. Maintenant que nous avons regardé ces petites statistiques, je vous invite à écouter les commentaires d'après-match de l'entraîneur-chef de l'Impact de Montréal. Voici Rémi Garde. Rémi, j'ai voulu y aller dans la légèreté pour commencer. Est-ce que ça fait du bien de marquer un penalty contre Columbus? Je pense que vous faites référence aux deux penalties qu'on avait concédés là-bas, qui n'étaient peut-être pas aussi clear and obvious que celui-ci. Bon, il n'y a pas de sentiment de revanche par rapport à ça. Je crois que c'est un moment évidemment important du match. Parce que je le sais, je l'avais dit, l'équipe qui marque le premier but prend quand même un avantage important, et surtout pour nous quand on joue à domicile. Okay. À quel point vous êtes fier du travail accompli par Evan Bush dans cette rencontre? Très fier, très content, surtout pour lui. Je ne suis pas fier pour moi, je suis fier pour lui. Fier de lui, fier du travail qu'il a fait cette année avec Joël et avec les autres gardiens. Parce que les gardiens, c'est une famille dans la famille. Voilà. Et ce soir, il nous a vraiment sorti un grand match, voilà, parce qu'on savait qu'on jouait contre une équipe qui était capable de se créer ce genre d'occasion, et il fallait un très bon Evan, et ce soir, il l'a été. Nacho a été un doute pour l'avoir connu au cours des dernières heures. Comment vous avez fait sa réponse? Est-ce que vous avez été inquiété à un certain moment ou pas? Ce n'était pas un scénario qu'on avait échafaudé pour donner du suspense à sa participation. C'était vraiment, il était incertain. Il a très très bien répondu. Vous savez, les grands joueurs, les très bons joueurs, quand il y a de l'enjeu, quand les matchs sont importants, ils sont souvent là. Et surtout à la maison, je pense que Nacho ici se sent tellement bien. Il y a des ondes très favorables pour lui. Et voilà, je lui ai fait confiance. Je vous l'ai dit avant le match. Et en rentrant de l'échauffement, il m'a dit: ça va, coach, je me sens super bien. Donc voilà. Rémi, il y a été beaucoup de questions de leadership en début de semaine par rapport au match de la semaine dernière. De voir probablement vos trois leaders offensifs, Saphir, Nacho et Alejandro, contribuer comme ça, comment avez-vous trouvé leur réponse? Oui, très bonne. Très bonne, mais vous savez, je l'ai dit aux joueurs dans la semaine, j'attends de chacun d'entre eux qu'ils soient déjà leur propre leader. C'est déjà, si on arrive à faire ça à chaque semaine, on ne peut pas tous être le même genre de leader, et tout le temps, toute la saison. Donc c'est vrai que la semaine dernière, on avait manqué peut-être des leaders qu'on a habituellement, mais aussi dans ces cas-là, il y en a d'autres qui peuvent émerger, il y en a d'autres qui peuvent prendre le relais. Voilà, je crois que au-delà de ça, la réponse du groupe ce soir a été excellente en termes de solidarité, en termes d'efforts les uns pour les autres. Je pense qu'on a fait encore un très bon match ici. Coach, on a souvent parlé du manque d'opportunisme offensif, du manque de tirs cadrés également. Ce soir, 13 tirs au but, 9 cadrés sur ces 9 tirs-là, 3 buts. Est-ce que c'est vraiment le travail qui a été fait tout au long de la semaine, ou c'est surtout l'attitude, la confiance entre les joueurs, ou un peu des deux, qui a fait la différence aujourd'hui? Non, ce serait vraiment trop facile si le travail de 4 séances d'entraînement avait pu régler un tel problème. Je crois qu'il y a des soirs où la réussite vous fuit. Je l'avais dit la semaine dernière, j'ai jamais contesté, malheureusement, a posteriori, la défaite contre Washington, mais j'ai tout de suite rappelé que l'ampleur du score n'était pas la différence entre les deux équipes ce soir-là, et que avec un peu plus de réussite qu'on a eu ce soir. Voilà, il y a des jours, vous avez un peu plus de réussite, mais je crois qu'aujourd'hui, on est allé aussi la chercher, encore une fois, avec un état d'esprit remarquable. En anglais, je voulais juste demander, qu'est-ce que votre plan était pour cette semaine, pour aider cette équipe à se tourner? J'ai essayé de focus sur deux choses. La première était la réaction que nous devions avoir, parce que, une fois encore, it was very hard for every one of us to lose the game that we didn't want to lose, but also the second part was to give them the idea that the score didn't reflect the difference, the gap between the two teams, and then I managed to give them the confidence tonight to approach this game with the desire to win whoever was coming to play against us. You spoke about Evan Bush and what a big part of this game was. He makes a save early on a breakaway, essentially. Is that a kind of game changer for you? Because if that's the first goal, different dynamic to this game. Yeah, of course. When you score the first goal, you especially in our position, the way we play, when we can score the first goal, it gives us the confidence to play again in the same with the same spirit. I mean, we knew that Columbus is a very good team. You know, they don't score too many goals, but they don't concede too many. I think it was the best defense away in this league. Then scoring three goals against them was very important, and we knew that that team was playing very, very good football. I have to say that it's one of the best football that I see in the league, and we knew that we had to keep our line very tight, the width also very tight. Then the guy respect the game plan, and they had problems to score. They had occasion, they had chances, sorry, but they didn't score because we work out as a team. Coach, how close was it to having Piatti not play in this game? And in your assessment, where was his health for this game? At 70%, 50%, where was he? No, to be honest, when we started the warm-up, I was a little bit anxious because I didn't see it too much on the field this week. Then, I was anxious, naturally not playing, but I was totally confident that the answer he would give me after the warm-up would be the right one, you know. Then he came back, and in one word, he said to me 100%. Then I was okay, and of course his contribution tonight is huge because not only he scored, but when you have Nacho on the field like he's playing tonight, it's a big boost for the team. Je peux rien faire. Je peux rien faire si ce n'est attendre maintenant. Donc, voilà, les choses qu'on ne peut pas contrôler. Je ne vous dis pas que je ne vais pas être nerveux, mais peut-être un peu moins que quand c'est mon équipe qui joue. Voilà. Merci à l'entraîneur-chef de l'Impact de Montréal, Rémi Garde. Maintenant, écoutons les commentaires d'après-match de Samuel Piatre, milieu défensif pour l'Impact de Montréal. Ouais, Evan, c'est quelqu'un de très sentimental dans le bon sens. Je sais pas qu'on gagne, il est très content et qu'on va ça vient le chercher. Mais content pour lui, mais très content pour l'équipe, pour tout le monde. La réaction était parfaite, je pense, après une défaite de 5-0 à l'extérieur, on se devait de sortir fort, puis c'est ce qu'on a fait. Ouais, c'est sûr, mais je veux dire, c'est dans le passé, on pouvait changer. On avait trois matchs à jouer avec celui d'aujourd'hui. Il faut les gagner pour se donner le plus de chances possible. Il nous en reste deux. Avec cette victoire, ça va plus de l'élection ici. Pour les gagner, merci de notre appel. Pour le match, la semaine dernière, avait semé un petit peu de doute. On a vu que ça avait pris un peu de temps avant de vous marquer dans votre match. Tout est développé sur la belle pénalité. Là, vous avez semblé bizarre à partir du moment-là. Mais c'est sûr que quand tu donnes un petit coussin comme ça de confort, les gens peuvent se libérer. En début de match, on avait un peu de misère à trouver les espaces de derrière. Il faut que tu réponds bien. Je me suis assez couvert aux deux attaquants prenaient Rod et Duca. Donc, on avait un peu de difficulté à sortir la balle. Mais je pense que quand tu prends un but aussi pour eux, ils ont commencé à pouvoir se tirer les lignes, à vouloir jouer un peu plus offensif. C'est comme ça qu'on a trouvé les espaces. Autre que le fait qu'il a marqué, là, Nacho Piatti, dans la façon de se comporter sur le terrain, il semble avoir passé un message. Est-ce que tout le monde a un peu suivi Nacho aujourd'hui dans cette façon de se comporter? Ouais, Nacho, c'est un leader, mais c'est pas un leader qui parle beaucoup, c'est un leader dans ses actions. Puis je pense qu'il a démontré aujourd'hui sur le terrain, ça part bien de la semaine après qu'il était gêné d'une petite blessure. Puis aujourd'hui, ça l'a pas paru. Là. Puis quand notre meilleur joueur a un comportement comme ça sur le terrain, ça donne juste envie de suivre. Toi, puis Michael, vous avez connu un fort match milieu défensif des deux côtés du terrain. Parle-moi de ta complémentarité avec lui. Qu'est-ce que ça change en jeu depuis qu'il est arrivé? Ben, ça m'aide beaucoup. Michael, c'est un joueur c'est ça, plus défensif que Saphir. Donc, ça pousse un peu plus Saphir en haut. Ça lui laisse plus de liberté. Puis j'ai une très bonne relation avec lui sur le terrain. Les deux, on compte pas nos efforts. On peut travailler pour le bien de l'équipe. Je sais pas ce que je peux faire. Je suis prêt que ce soit pour l'aider. Je sais qu'il va me renvoyer par après. Non, je pense qu'on est très complémentaire. Mais je sais pas forcément le travail aussi. Ça aide bien d'avoir quelqu'un à côté de soi qui est capable de jouer et qui est capable de mettre un temps pour le match. Ouais, c'est ça. Merci à Samuel Piette de l'Impact de Montréal. Nous allons terminer l'émission ce soir avec les commentaires du joueur du match hockey. Joueur du match, c'est Evan Bush. Mais les commentaires du joueur offensif du match, écoutons maintenant Saphir Taider. Parler de la façon dont ça s'est déroulé la semaine dernière, à quel point c'était important de... Non seulement on savait que vous aviez besoin des trois points, mais la façon de répondre cette semaine était importante aussi. C'est vrai qu'on était tous déçus du résultat la semaine dernière. Ça nous a fait mal, je ne sais pas le cacher, mais on a répondu de la meilleure des façons. On sait que le destin n'est pas entre nous, mais on a trouvé ce soir. Voilà, maintenant il va falloir gagner les deux prochains matchs et espérer qu'il fasse un faux pas. C'est quoi la discussion au point de pénalité avec Alejandro, avec la chose de... C'était toi qui as décidé, c'est moi qui le prends, les gars, tu leur as dit ou pas? Ouais, je vais le tirer, puis je vais te parler avec Nacho. Il y a quelques jours, il m'avait donné son accord, donc je te remercie. Donc Nacho est allé voir Alejandro. Allez, t'es pas au courant. Evan Bush, à quel point il a fait une différence dans le match aujourd'hui? Ouais, c'est vrai qu'Evan nous a sauvés, notamment au début de match. Et puis même, c'est l'ensemble de sa saison qui nous a fait du bien. C'est un leader avant d'être un gardien de but. Donc voilà, encore ce soir, il a montré qu'il était important pour nous. Ouais, c'est vrai qu'on va regarder ça avec attention. En espérant qu'il fasse un faux pas, comme je l'ai dit. Puis voilà, nous, de notre côté, recharger les batteries. Et puis voilà, face au Toronto, c'est un derby en plus. Faut gagner à tout prix, on a plus droit à l'erreur et puis on verra ce qui se passe. On a beaucoup parlé de leadership au cours de la semaine suite à la défaite à DC. Est-ce que le fait d'avoir répondu, que les cadres aient répondu à l'appel aujourd'hui, c'est un message quand même positif que vous envoyez, mais pour vous aussi dans le dessert? Ouais, c'est vrai que c'est important. On se doit de montrer l'exemple, de montrer le chemin aux autres. Puis, voilà, maintenant ça nous... Enfin, aujourd'hui, ça nous a réussi, mais on a besoin de tout le monde, on peut pas tout faire tout seul, puis on est une équipe. Voilà, c'était important pour nous et même pour le groupe de réagir devant le public, et on est vraiment content de la victoire, mais de la manière aussi. Alors, merci à Rémi Garde, Samuel Piette et Saphir Taider pour leurs commentaires d'après-match, après cette victoire de 3-0 de l'Impact de Montréal contre le Crew de Columbus. Avant de se dire au revoir pour cette soirée, nous allons regarder le classement dans l'association de l'Est ce soir après les matchs de la journée. Quelques changements, nous allons voir. Donc, Atlanta United, premier dans l'association de l'Est avec 66 points. Le billet pour la danse de l'automne est acquis. Le Red Bull de New York, deuxième avec 62 points. Le New York City FC, troisième avec 53 points. Quatrième avec maintenant un petit X à la gauche de leur nom. L'Union Philadelphie qui s'est qualifiée pour les séries éliminatoires avec une victoire retentissante de 5-1, je crois, contre le Minnesota United ce soir. Donc, Philadelphie, 50 points en quatrième position. Columbus, 48 points en cinquième position. Et l'Impact de Montréal, toujours 6e avec 43 points. DC United est 7e avec 38 points. 5 points de retard sur l'Impact de Montréal, mais 3 matchs en main. Nous avons le New England Revolution, qui est la dernière équipe à ne pas être éliminée dans l'Association de l'Est, en 8e position avec 35 points. On parle de 8 points de retard derrière l'Impact de Montréal, avec seulement un match en main. Ce soir, avec leur défaite aux mains des Vancouver Whitecaps, des dessus de montagne blanc de Vancouver, Toronto FC se retrouve éliminé des séries éliminatoires avec 33 points. Même chose pour Chicago, qui est 10e éliminé, 31 points. Et Orlando, la cuillère de bois de l'Association de l'Est, qui se termine pour l'instant le classement, 25 points, éliminé en 11e position. L'Impact va regarder la télévision demain pour voir le résultat du match entre le DC United et le Chicago Fire demain après-midi, fin d'après-midi demain. Un match extrêmement important dans le classement de l'Association de l'Est. Un match qui est en début d'après-midi, je m'excuse, à 1h de l'après-midi, 13h, heure de l'Est. DC United contre le Chicago Fire, disponible sur DAZN ici au Canada et aux États-Unis sur ESPN. Donc, le match de la semaine avec Wayne Rooney sur les zones de ESPN. L'Impact qui doit avoir confiance au Chicago Fire. C'est pas facile, mais l'Impact a son... Le destin de l'Impact de Montréal repose au pied de Bastian Schweinsteiger. Littéralement. Donc, allez Bastian, allez Chicago, brûlez-moi ça, ce DC United-là, durant les deux prochains matchs. On se retrouve en fin de semaine prochaine pour parler un peu de la Ligue des Nations de la CONCACAF. Nous allons parler aussi de la qualification pour la Coupe du Monde féminine. Nous allons parler un peu des matchs du Canada. Le Canada qui a battu la Jamaïque vendredi soir dernier. Et nous allons pouvoir parler de ce résultat et d'autres durant cette pause internationale. Nous allons évidemment parler des résultats de DC United et de Chicago, espérant que Chicago réussit à faire le grand coup. Nous allons parler de tout ça dans le prochain épisode. Et jusqu'à la prochaine fois, mon nom est Kevin Laramé. Et comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux @surtransversal, facebook.com/ sur la transversale. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite bon soccer.